Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 33. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 23 avril 2006, 11h07. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es malade imaginaire, tu es Festival d'Avignon, tu es Ma femme s'appelle Maurice, tu es Sarah Bernard, tu es Sous un balcon à Vérone, et tu es aussi... Ah, oh, j'ai trop bouffé, moi. Je bouffe pas ce soir. Je mange une pomme et je me couche. Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou. Oh oui, putain. Oh, quel bordel. Putain, qu'est-ce qu'on va foutre au théâtre? Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es sur les planches, face au public, tu es théâtre. Jeudi prochain, 27 avril, après 3 ans de fermeture pour rénovation, le célèbre Théâtre National de l'Odéon à Paris rouvre ses portes au public. Depuis 2 siècles maintenant, ce gros bâtiment abrite l'une des plus belles scènes à l'italienne d'Europe. Alors, pour fêter le retour sur le devant de la scène du Théâtre de l'Odéon, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'aller traîner ses costumes dans les coulisses de l'univers théâtral à la veille de la 20e nuit des Molières. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du théâtre. Pour commencer, de la cité grecque au boulevard parisien, il faut retracer l'histoire du théâtre comme spectacle vivant. Ensuite, il faudra essayer de te décrire quelles sont les grandes étapes à suivre lorsque tu décides de monter une pièce. On enchaînera sur une interview exclusive de Philippe Cobert, comédien hors pair, à qui nous avons soumis une liste de mots très divers, tous liés au théâtre. Et puis, nous te dévoilerons en quoi la scène politique française est en réalité un véritable théâtre où des répétitions ont lieu actuellement. Et enfin, te raconter les aventures de Monique dans sa troupe de théâtre amateur et comment Jean-Claude, lui, a vécu l'unique représentation de leur pièce mercredi soir. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et entre en scène. Might as well get over the blues. And the beat goes on, murmurent les Whispers. Un tube disco de l'année 1979 parce qu'en musique, the beat goes on, alors qu'au théâtre, quoi qu'il arrive, le show must go on, the spectacle doit continuer. Ainsi, la panique au Mangin Palace s'intéresse cette semaine au théâtre. Le mot théâtre a plusieurs définitions. Le théâtre, c'est tout d'abord un lieu, mais le théâtre, c'est aussi le spectacle vivant joué dans ce lieu. Le théâtre, c'est également un genre littéraire ou le recueil des pièces d'un auteur. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le spectacle. Alors attention, installe-toi confortablement, dans un instant, ça va commencer. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Le théâtre, c'est le monde de l'illusion et de la mimésis. Durant la préhistoire, quand pour la première fois un homme a mimé une scène de chasse, ben, le théâtre était né. Dans la Grèce antique, les hymnes en l'honneur de Dionysos ont été peu à peu transformés en représentations théâtrales. Ainsi, dans la cité grecque, le théâtre participe à la fois de la vie civique et religieuse. Lors des cérémonies, les concours de tragédie sont l'occasion de réunir toute la population, les pauvres et les riches. Cette fonction religieuse et civique se retrouve dans le théâtre romain. Dans la Rome antique, le métier d'acteur, contrairement à celui de gladiateur, est infamant. Et oui, le gladiateur est respectable car il est valeureux, alors que l'acteur, lui, est méprisable car il se glisse dans la peau d'un personnage qu'il imite. Au Moyen-Âge, l'Église prend le contrôle du théâtre. Seuls sont tolérés ce qu'on appelle les mystères, ces drames liturgiques qui mettent en scène des épisodes de la Bible ou de la vie des saints. Au XVIe siècle, avec la Renaissance et la redécouverte du théâtre grec antique, une nouvelle économie du théâtre se met en place. Mais en France, le grand siècle du théâtre, c'est le XVIIe. Molière, Corneille et bien sûr Monsieur Racine, que l'on n'avait pas vu à la cour du roi depuis des mois. Monsieur Racine, mais voilà des mois qu'on ne vous a vu à la cour. Oh, Monsieur Castor. Oh, appelez-moi Louis. Merci. À votre service. Eh bien, j'aimerais faire ma rentrée théâtrale. Alors, qu'est-ce que c'est que votre pièce? Une tragédie. Encore? Mais vous ne savez faire que ça. C'est mon style, sire. Je suis un classique. Non, non, vous avez eu quelques jolis succès, je vous l'accorde. Vous êtes fort talentueux, mais dans un genre mineur. Comprenez-vous? Ça ne vous vexe pas, ce que je vous dis là? Oh non! Non, mais vous n'êtes pas commercial, n'est-ce pas? Ce qu'il faut maintenant, c'est du spectaculaire. Ah bah. De la plume, de la danse, de la chanson. Évidemment, moi... C'est moins gai. C'est lugubre. Mais non, ce n'est pas lugubre. C'est juste de la tragédie classique. Le théâtre classique doit obéir à des règles précises que sont les unités de temps, de lieu et d'action. C'est un théâtre de la vraisemblance et de la bienséance. Le théâtre classique, c'est aussi le théâtre des anciens que les modernes dénoncent, comme par exemple en 1829, lors de la première représentation d'Hernani de Victor Hugo. Avec les romantiques, le théâtre classique n'est plus dans l'air du temps. Au XIXe siècle, plus que jamais, le théâtre réinvente la vie. C'est la grande période du boulevard du crime et des enfants du paradis, des drames romantiques et de la pantomime. Des théâtres sont construits partout en France et les représentations se multiplient. En 1920, Firmin Gémier fonde le Théâtre National Populaire qui a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre un théâtre de qualité. Et de 1951 à 1963, le TNP est dirigé par un certain Jean Villard. Jean Villard, je voudrais tout d'abord vous demander l'origine et le but du Théâtre National Populaire. Qu'est-ce que c'était au début et comment avez-vous eu l'idée de fonder ce théâtre? Le Théâtre National Populaire a été fondé il y a une trentaine d'années par le gouvernement français et la première direction a été celle de Firmin Gémier. Ce théâtre avait été créé, je crois, sur l'inspiration d'Aristide Briand et de Paul Boncour. Depuis, à la suite d'expériences diverses, le secrétariat d'État aux Beaux-Arts en France m'a confié la direction il y a maintenant 2 ans et 4 mois. Nous l'avons adapté à ce qui nous a paru des conditions modernes de la société contemporaine, enfin celle qui a, disons, subi à présent 2 guerres, vécu après bien des difficultés, et essayé de retrouver, dans la mesure où il était perdu, un public qui n'allait plus au théâtre. Mais pour reconquérir un public qui n'allait plus au théâtre, Jean Vilar a su créer, en 1947, un formidable outil d'émulation théâtrale, le Festival d'Avignon. Aux origines du festival se retrouvent des acteurs et des textes. Pour Vilar, le comédien digne de ce nom ne s'impose pas au texte, il le sert, et servilement, rajoute-t-il. En 1951, arrive à Avignon l'acteur rêvé, Gérard Philippe. Il était un prince en Avignon, sans royaume, sans château, ni donjon. Gérard Philippe devient en effet rapidement le prince d'Avignon avec ses interprétations du prince de Hombourg, mais surtout du Cid dans la cour d'honneur du Palais des Papes en 1951. Percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Le Cid, acte 1, scène 6. Ainsi, le XXe siècle est marqué par la volonté de démocratiser un théâtre parfois trop élitaire. Le TNP et le Festival d'Avignon ont été mis en place pour ouvrir le théâtre à un large public. Mais le premier contact entre le théâtre et le public, c'est bien souvent l'école. À l'école, on étudie des textes de théâtre. Parfois, on va avec toute sa classe au théâtre. Et ensuite, on monte une pièce de Marivaux. Et après, Harlequin, il faisait ça, il s'approchait, et puis elle l'esquive, Lisette. T'as vu, parce qu'on faisait ça avec Rachid, ça faisait bien. Ok ? T'as compris ? Vas-y. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cuire sur ma bouche avec la tienne. Sur votre bouche avec la mienne ? C'est... Ouais, bah c'est pareil. Quoi, c'est pareil ? C'est pas pareil ! Tes mains. Je voudrais bien pouvoir poser ces petits mots-là et les cuire sur votre bouche avec la mienne. Votre bouche avec la mienne et ta bouche avec la mienne, c'est pas la même chose. Je suis désolée, Théma. L'auteur, il marque sur votre bouche avec la mienne et on n'est pas là pour changer le texte, mon frère. Si tu commences à changer le texte, bah moi aussi je vais changer le texte, je vais mettre n'importe quoi. C'est pas possible. T'es d'accord ou pas ? Eh oui, c'est pas possible. On peut pas changer le texte ou alors c'est de l'improvisation. Parce qu'il ne faut pas croire, même dans le théâtre de l'absurde, les mots ont un sens, comme dans L'Ubu Roi de Jarry, sans doute le précurseur d'une nouvelle forme de théâtre dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, y avait pas de loi, et chacun pour soi. Les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pouf pan avec un bazooka. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute tendue, la mère Ubu. Puis le jour venant où Ubu et le roi se rencontra, twist, ya ya ya. Après l'entrevue, oui, tout à coup, maître Tibu, le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme, tout à coup, la mère Ubu. Le Père Ubu, chanson écrite par Dick Angarn et reprise par Mathieu Chédid sur un album intitulé Le Grand Dîner. Le Père Ubu, parce qu'aujourd'hui au Népal, la pièce d'Alfred Jarry prend tout son sens. Si le roi Gyanendra, tyran grotesque Ubu, la ciguë, nous n'en serions point là. Alors, pour continuer notre facétieux voyage dans l'univers théâtral, après avoir survolé l'histoire du théâtre, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de te raconter quelles sont les grandes étapes à suivre si toi aussi un jour, tu décidais de monter une pièce de théâtre. À l'origine d'une pièce, il y a toujours, bien entendu, le texte. Et là, pour commencer, deux cas de figure s'offrent à toi. En premier lieu, imaginons que tu sois roumain, tu aimes l'écriture et tu décides donc d'inventer tes propres pièces, que tu intitules par exemple « La cantatrice punk »,« Sarko féroce » ou encore « Le CPE se meurt ». Cela dit, certains metteurs en scène préfèrent adapter de grands textes classiques plutôt que de les inventer eux-mêmes. Et dans ce second cas de figure, il s'agit surtout de trouver la modernité du texte en question. Si tu choisis Molière, par exemple, tu verras à quel point il est facile de rendre contemporaines certaines de ses pièces. Les fourberies de Jospin ou encore d'Ouste Blasi, ministre malgré lui. Quoi qu'il en soit, une fois la pièce écrite ou le texte choisi, pour que le spectacle existe, il s'agit surtout pour toi de trouver un producteur qui ressentira, comment dire, la sensibilité de ta création artistique. Moi, je suis un artiste et je ne changerai pas un mot de ma pièce pour accoler le public commercial de Broadway. Je ne discute pas avec toi. Est-ce que tu me vois discuter ? Je trouve ta pièce très bien comme elle l'est. Oui. Elle est vraie, elle véhicule un message. Elle est conflictuelle. Mais produis-la alors ! J'ai pas les moyens de m'offrir un autre four. David, ta pièce prend trop la tête. Tout le monde n'écrit pas pour divertir. Le théâtre n'a pas seulement pour fonction de distraire, mais aussi de transformer l'âme même. Oh, arrête ton baratin, t'es pas à la terrasse d'un de tes cafés d'un télo de Greenwich Village. On est à Broadway. Je sais, merci, mais tu ne m'avais pas dit que tu croyais à ma pièce. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, David ? Je suis seigneur blanc. Évidemment, si un metteur en scène venait de s'y intéresser, là je dégoterais peut-être un peu. Non, c'est moi qui la mets en scène, celle-là. Non, mais écoutez-moi. Ça, hein? Où est la liste de tes succès? Je ne laisserai plus bousiller mon œuvre, ça m'est déjà arrivé deux fois. Deux pièces très fortes de moi auraient pu être des énormes succès. Et j'ai dû regarder en silence des acteurs changer mon dialogue et les metteurs en scène ne rien comprendre à ma pièce. D'accord, tu es un artiste. Mais je vais te dire une bonne chose, c'est la réalité qui t'attend dehors. Et c'est une réalité bien plus dure que tu crois. Oui, la réalité du théâtre est souvent bien plus dure qu'on ne le croit. Les intermittents du spectacle en savent quelque chose. Et monter une pièce, c'est donc une entreprise difficile, voire risquée. Alors l'un des moyens les plus sûrs de convaincre un producteur de te filer du blé, c'est de lui promettre que pour jouer le premier rôle, tu as dégoté une tête d'affiche. Une femme brillante et charmante. Je veux avoir mon nom au-dessus du titre. Où veux-tu qu'il soit ? Mon mot à dire sur mon partenaire et la loge réservée aux vedettes. Il ne peut pas en être autrement. Un droit de regard sur les photos de moi. Oh, ça ne retire rien au manque de prestige du rôle, mais je peux peut-être en parler avec David. On pourrait retoucher le texte ensemble, peut-être trouver une façon de donner plus d'éclat à cette femme. Donc, une fois le producteur convaincu et les caprices de la star résolus, tu vas enfin pouvoir commencer le casting des autres rôles. Autrement dit, recruter une troupe de comédiens pour pouvoir monter réellement ta pièce de théâtre. Cela dit, lors des essais, ne sois pas trop dur avec tes comédiens. Leur vie n'est pas facile. Y'a le metteur en scène qui te fait des scènes et t'en as bien marre, sa tête de cafard. T'es rien qu'un objet, un pion du ciné. La lumière dans la figure, c'est dur, c'est dur. Mais moi, je vois, comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Ensuite, une fois la troupe réunie et le texte appris par tes comédiens qui se font du bien, va venir le temps délicat des répétitions. Et là, à quelques semaines de la première, pas question de tergiverser sur l'interprétation ou sur la mise en scène. C'est toi le patron, c'est toi qui dirige la boutique. Mireille, ce n'est pas mal menti, mais tu es un peu trop coquette. Tu es très jolie jambe et je t'en félicite, mais ton rôle n'est pas un rôle à jambes, c'est un rôle de sentiment. Il faut qu'on oublie les jambes. Alors ne les montre pas, laisse-les en coulisses. Compris ? Oui, maître. Il y a au théâtre, comme dans l'épicerie, une honnêteté professionnelle qui consiste à ne pas tromper le public. Il faut d'abord savoir son texte. Si tu voles ici une rime, ailleurs un alexandrin, le public finira par se percevoir qu'il n'y a pas le poids et tu perdras ta clientèle. Eh oui, pour être efficace, il faut s'inspirer de Louis Jouvet pour diriger ta troupe de théâtre. Et puis, après les derniers ajustements, effectuée à la couturière, comme on dit, vient alors le temps de l'angoisse, celui de la représentation générale. Tes parents, tes amis, les journalistes, des inconnus, bref, tous sont venus là pour ta mise en scène au théâtre. Mais bon, rassure-toi, quoi qu'il arrive, les spectateurs ce soir-là ne retiennent qu'une seule chose. C'est vrai. Que dire ? C'est affligeant. Le public au théâtre est souvent féroce. Alors, heureusement, dans ces moments-là, il y a toujours ceux qui viennent dans les loges à l'issue de la pièce, histoire de te réconforter. Bonjour. Alors écoutez, moi d'habitude, je n'aime pas tout ce que vous faites. Hein. Je pense que vous avez lu toutes mes critiques. Mais alors là, je n'aime vraiment rien. Mais rien du tout, hein. Alors, comme on se connaît, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir que je vienne vous le dire avant que vous ne le lisiez dans le journal. Allez, bonsoir. Et voilà comment, en quelques minutes, l'intransigeance du public, profane ou spécialiste, vient ruiner plusieurs mois de travail et de répétition. Oui, monter une pièce de théâtre, c'est en effet une entreprise difficile. Alors maintenant, pour enrichir notre regard sur l'univers théâtral, nous avons joint cette semaine au téléphone un comédien exceptionnel qui a tout joué, ou presque, à savoir l'excellent Philippe Cobert. Nous lui avons soumis une liste de mots très divers, tous liés au théâtre, en lui demandant d'y réagir à chaud. Pour commencer, nous lui avons proposé Gérard Philippe, réponse juste après le jingle. Gérard Philippe, il reste l'ange, non pas exterminateur, au contraire, l'ange qui a semé le rêve dans tellement de cœurs et d'esprits adolescents que c'est un peu comme Chaplin, ça, il faudrait les sanctifier, il faudrait en faire des saints. J'ai lu quelque part que vous auriez aimé être Gérard Philippe. Bien sûr, quand j'avais 15 ans, je me mettais devant la glace et j'avais les photos d'Agnès Varda à la main gauche, et j'étais embêté parce que j'avais le nez qui remontait, alors que Gérard Philippe avait le nez aquilin. Alors j'appuyais sur mon nez pour voir si je pourrais pas faire quelque chose. Bien sûr, je rêvais d'être Gérard Philippe. Si je vous dis Jacqueline Maillan. Ah, là je dis bravo. Bravo l'artiste. J'aimerais bien jouer aussi bien qu'elle. Si je vous dis Avignon. Avignon, ça reste le rêve du théâtre aussi. C'est évidemment lié à Gérard Philippe, mais je trouve que quels que soient les avatars que subit Avignon, ça reste vraiment la Mecque du théâtre. C'est quoi votre plus beau souvenir d'Avignon ? Vous en avez un qui vous vient à l'esprit immédiatement, ou c'est plutôt dense et pas spécialement un souvenir comme ça en particulier ? Si, la première fois que j'y ai joué, en 1970, dans la cour du foyer Léo Lagrange, l'histoire de la Commune de Paris. Il y a eu un orage, on jouait dans une petite cour comme ça, il y a eu le vent, tous les costumes sont envolés, ils sont partis dans la rue derrière et on a remporté un triomphe. Alors oui, c'est mon plus beau souvenir. Si je vous dis Marcel Pagnol. Alors là, ça, c'est un monde. C'est un des plus grands génies français du théâtre. Je l'aime. Si je vous dis coulisses. C'est très important pour les acteurs. Peut-être je penserai à la loge du théâtre Héberto qui a été faite par Jean-Claude Brialy il y a 20 ans. Et c'est la première fois où vraiment je me suis senti bien dans une loge. Et on m'a dit un jour, tu sais, c'est Brialy qui a aménagé cette loge. Et j'ai dit, alors je comprends. Si je vous dis Philippe Cobert. Ouh là là, c'est lourd. C'est lourd. C'est trop lourd. Je ne peux pas répondre là. C'est trop lourd. Et si je vous dis théâtre. Sincèrement, ça veut tout dire et rien dire. C'est comme bonheur ou comme amour ou comme. Ce sont des mots trop vagues et trop vastes pour contenir vraiment d'abord tout ce qu'ils veulent dire. Et il faudrait être plus précis parce qu'il y a théâtre et théâtre. Voilà, il y a le pire et le meilleur sous ce mot-là. Eh bien, c'était Philippe Cobert pour la panique au Mangin Palace. Dancing down by the disco. music. Reggae on Broadway, chante Winston McAnuff, accompagné des musiciens français du Camille Bazbaz Orchestra sur l'album intitulé A Drop, Reggae on Broadway, parce que Broadway, au cœur de Manhattan, reste bien entendu le centre de la création théâtrale aux States. Alors, pour poursuivre notre aventure au théâtre ce midi, la panique au Mangin Palace va te révéler un secret. En ce moment, ont lieu des auditions très confidentielles au Théâtre de la République. Et oui, parce qu'en 2007, dans un an environ, sur la scène politique, il va y avoir un grand changement de troupe au Théâtre de la République. En effet, jusqu'alors, dans ce théâtre, le premier rôle était tenu par Président Chirac, qui se voit aujourd'hui confier de plus en plus souvent des rôles de barbon. Mais Président Chirac, lui, veut conserver son rôle au sein de la troupe. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur. J'ai choisi mon destin. Donnez-moi 10 répliques et quelques projecteurs. Vous verrez mes moyens. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur et c'est toute ma vie. Donnez-moi un théâtre, un rôle à ma hauteur, et j'aurai du génie. Mais non, c'est décidé. En 2007, il va falloir trouver un remplaçant pour jouer le premier rôle au Théâtre de la République. Président Chirac, lui, il a un favori. En effet, il verrait bien Sganarelle de Villepin prendre sa place, jusqu'alors cantonné dans des rôles de valet. Il espère depuis fort longtemps jouer les premiers rôles. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé son physique. Mais depuis le four de sa dernière pièce, Les Fourberies du CPE, Sganarelle de Villepin, il n'est pas au mieux de sa forme. Oui, bon, d'accord, j'ai bu. Je suis un acteur qui boit. Un bon acteur, ça boit. On va pas jeter la pierre à un acteur qui boit. Mais personne ne songe à vous jeter la pierre, monsieur. Tous les grands acteurs boivent. Gérard Philippe ne buvait pas. Laurence Olivier non plus. Carmet buvait. Oui, ça, d'accord, Carmet, d'accord. Depardieu boit. Oh, bah, Depardieu, d'accord. Hein? Piccoli boit. Piccoli? Piccoli boit. Mais Piccoli n'a jamais bu. J'ai jamais vu bourré. Et moi, tu me vois bourré, là? Non, alors. Monsieur, s'il vous plaît, remettez-moi une petite bison. Il est clair que l'échec du CPE a laissé des traces. Des traces qui ne sont pas sans déplaire à certains. Ainsi, Nicolas Sarkiago espère rafler le premier rôle. À bien y réfléchir, la mise hors jeu de Sganarelle de Villepin, ça l'arrange plutôt pas mal, Nicolas. Il faut dire que Villepin, face au mouvement anti-CPE, il n'a pas eu le nez fin. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Enfin! Parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, détrait de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Si Villepin est hors jeu, Président Chirac, lui, le doyen de la troupe, se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Pour que le Théâtre de la République ne sombre pas dans la tragédie, c'est une comédie qu'il faudra monter en 2007. Et pour la comédie, le premier rôle ne peut aller qu'à une spécialiste, une actrice qui se donne à fond pour amuser le public. Sa pièce de boulevard, Clémenceau, a été un véritable succès. Et son dernier rôle dans Mon sonar s'appelle Revient s'annonce déjà comme un triomphe. La jeune première, Mademoiselle Alliot, a donc toutes ses chances dans le show de 2007. C'est beau de faire un show, Dieu que c'est beau, mais quel boulot. On a toujours peur que ça ne marche pas, et chaque fois on a le cœur qui bat. Mais l'on se dit quand on entend les bravos, c'est beau de faire un show. c'est beau de faire un show. Et pour le grand show politique de 2007, il va y avoir de nombreux prétendants au premier rôle. Tiens, par exemple, Pierrot Bayrou. Lui aussi, il se verrait bien en haut de l'affiche. Moi, je veux brûler les planches. Je vais prendre ma revanche. Écrouler sous l'avalanche. Des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Grâce à moi, la troupe entière va enfin faire une carrière. Elle va être la première, mais il y a ce con de producteur qui n'a jamais vu mon talent d'acteur. Alors oui, pour la représentation générale du printemps 2007, il va en falloir du talent pour jouer les jeunes premiers. Mais il ne faut pas oublier qu'une jeune ingénue peut aussi obtenir le premier rôle. Au fond des coulisses, côté jardin, Ségolène est dans sa loge. La jeune comédienne discute avec Bernadette, la doyenne. Tu es toute seule, mon bijou. Mais oui, je suis seule, mais... Ils sont pas là, les nains? Non, ils sont sortis. Tu fais des tartes? Oui, des tartes aux prunes. Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci. Et oui, Bernadette sait de quoi elle parle. Lors de la grande audition de 1995, c'est en jouant la tirade « Manger des pommes » que Président Chirac avait obtenu le premier rôle. Il faut dire que pour être en haut de l'affiche, Président Chirac, il sait ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce n'est pas comme le Dottoré Jospin qui aujourd'hui a du mal à se trouver une place au théâtre de la République. Bon, écoutez, oui, comment dire, bon, c'est sûrement très drôle, hein, c'est sûrement très drôle... Seulement, moi, comment dire, je ne parviens pas à me positionner en tant qu'homme de gauche par rapport à ma démarche quand je viens voir un spectacle comme le vôtre. Est-ce que c'est drôle? Et si c'est drôle, est-ce que je dois rire? Non, parce que je comprends bien que c'est complètement réac de s'asseoir en riant devant un type qui travaille. Seulement, je vous dis, je ne parviens pas pour autant à me positionner en tant qu'homme de gauche si je ris debout, pendant qu'il y en a d'autres qui rient assis. Et... Non, écoutez, là, je me fais encore des nœuds. Hein. Écoutez, je vais rentrer dormir et puis demain matin, rassurez-vous, à la première heure, je vous écrirai une lettre. Allez, au revoir. Alors, qui va obtenir le premier rôle de la grande représentation de 2007? Tous les acteurs sont enfin réunis sur scène pour jouer un extrait du Tartuffe afin que l'on se rende compte de l'ampleur de leur talent. Chacun se dit qu'il est le mieux placé et s'apprête à donner le meilleur de lui-même. Le combat des anciens et des modernes s'annonce violent et tous les acteurs de la scène politique commencent leur match d'improvisation. Quand, tout à coup... Incroyable, le théâtre de la République est envahi par des enfants. Mademoiselle Poussarly, professeure de lettres, a emmené ses élèves du 9-4 voir une pièce de théâtre. Face à ce vacarme, certains acteurs sont offusqués. Nicolas Sarkiago et Sganarelle de Villepin demandent alors aux enfants de mieux se tenir au théâtre. Ces mioches ne connaissent donc pas les codes de bienséance. Les élèves, face à la médiocrité du spectacle, répondent aussitôt... Hé hey Mélanie, t'as vu l'émission sur les jeunes là hier soir? Non mais abuser une fois de plus des clichés sur nous, c'est trop naze. Pff, entre nous, s'ils savaient ce qu'on pense de... Je te jure. Mais s'ils savaient surtout à quel point ils nous connaissent pas. Eh oui, la grande représentation présidentielle a lieu dans un an. Et ce ne sera pas du théâtre classique, mais du Robert Hossein. Ce sera au public de décider qui aura le premier rôle. Et dans le public, il y a bien entendu toute la jeunesse dont la situation mérite attention. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait voyez pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Conseil de la fée des Lilas, chanson interprétée par Christiane Legrand en 1970 dans le film de Jacques Demy, Peau d'âne. Parce que ce film de Jacques Demy évoque les rapports amoureux entre une fille et son père, telle une tragédie antique, comme a pu l'écrire Sophocle dans sa pièce Œdipe roi. Alors, pour poursuivre notre exploration dans les coulisses du théâtre, il est grand temps désormais, à 11h45, de retrouver nos deux intermittents du spectacle, les tragicomiques Jean-Claude et Monique. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'au mois de septembre dernier, à la rentrée donc, Monique avait pris la décision d'intégrer une troupe de théâtre amateur. De son côté, Jean-Claude, lui, n'a cessé, tout au long de l'hiver, de trouver cette histoire ridicule. Mais bon, Monique le lui a suffisamment répété. Pour elle, le théâtre, c'est un désir absolu. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Mourir sur scène. Encore une fois, Jean-Claude trouve ça un peu excessif. Toujours est-il qu'après de longs mois de travail et de répétition, le grand moment est enfin arrivé. Nous sommes mercredi dernier en compagnie des apprentis comédiens et surtout de leur professeur de théâtre, Bertrand Guitry. En effet, Monique et sa troupe jouent ce soir au théâtre Jean Amadou, l'unique représentation de la pièce classico-moderne qu'ils ont choisie. À quelques heures de son entrée sur scène, Monique écoute attentivement les dernières indications de Bertrand Guitry, son professeur de théâtre. Imagine un très grand silence, on vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet, on entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup, et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue, et le rire au galop qui traverse la salle en porte tout, les chagrins, les soucis et les peines, et comprends bien ceci, comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. Après quelques ultimes répétitions, il est alors 19h30 et nous sommes maintenant à une heure seulement du lever de rideau. Le trac se fait de plus en plus pressant et alors que Monique ajuste son costume, elle s'aperçoit tout à coup que Christian, son partenaire principal sur scène, est entré dans sa loge. Christian est venu lui dire ce qu'il ressent quand il joue à ses côtés. C'est extra, tu me rends dingue chaque fois. Fan de tes grands yeux, de ton sourire, je suis fan de toi. Je suis amoureux, sans te le dire, je suis fan de toi. Monique balbutie, rougit et dit à Christian que ce n'est pas le moment. Et puis, il y a Jean-Claude. D'ailleurs, au même moment, Jean-Claude, lui, vient d'arriver dans le hall du théâtre. Il y a foule et il est accompagné de Gilles, un ami du couple avec qui il discute de la nouvelle activité d'actrice qu'exerce Monique. À ce propos, Gilles pose alors une question fondamentale à Jean-Claude. Je peux te demander un truc d'ailleurs ? Ça te fait pas chier que ta nana soit actrice ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ta nana, toi ? Elle est dentiste, grâce à Dieu. Ça te fait pas chier? Bah, elle couche pas avec plein de types. D'où la mienne a couché avec plein de types? Bah, je sais pas, c'est son métier. Je crois que tu confonds avec les putes. Mais non, sans déconner. Ça m'intéresse, je te jure, ça m'intrigue le fait que tu sois avec une actrice. Il est con ce mec ou quoi? En un instant, Jean-Claude se met à douter des raisons qui ont réellement poussé Monique à suivre les cours de théâtre de ce Bertrand Guitry. C'est alors que Jean-Claude décide tout de même d'aller faire un tour en coulisses pour y voir ce qui se passe exactement. Il ouvre brusquement la porte de la loge de Monique qui est en train de se maquiller face au miroir éclairé. Jean-Claude la trouve sublime et le dit à Monique. Au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Monique est furax de le voir ici et ordonne à Jean-Claude de retourner immédiatement s'asseoir dans la salle. Elle est très angoissée, la pièce va débuter dans quelques minutes. Jean-Claude rejoint alors sa place dans l'orchestre et admire ce plafond du théâtre Jean Amadou, repeint par Maurice Chagall, un artiste local. Quand, tout à coup... Le rideau se lève, la salle est au noir, Jean-Claude est impatient. Dans les coulisses, Monique est au bord du collapse, elle a le ventre noué. Je vais me retrouver devant le gouffre noir. La peur de tout gâcher par un trou de mémoire me met les nerfs à vif, elle est longue l'attente. Il faudrait commencer, le public s'impatiente. Projo, rideau, intro, et je fais mon entrée. Le premier acte se déroule bien, Monique tient son rôle correctement. Mais arrive maintenant très vite la troisième scène de l'acte 2, un moment clé de la pièce où Monique doit déclamer un monologue terrible. Ça y est, c'est son heure, telle Sarah Bernard, Monique se lance devant son public. Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous, il était temps encore que ne me quittiez vous. Mille raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Jean-Claude est stupéfait et craint de ne pas saisir l'ampleur du texte de cette pièce de théâtre. Mais qu'importe, il est subjugué par la beauté de Monique Bérénice. C'est un triomphe, la salle est debout, Monique est en pleurs. Au troisième rappel, Monique exulte, elle en veut encore et s'adresse directement au public. Bravo, donnez-moi un bravo, comme on donne un baiser, juste un petit dernier. Bravo, donnez-moi un bravo, comme autant de rappels, si quelqu'un se rappelle. C'est mon seul mot d'amour. Bravo, donnez-moi un bravo, que je puisse partir, que je puisse dormir. Bravo. Au même moment, Jean-Claude se penche alors vers Gilles, l'ami qui l'accompagne, et lui demande comment a-t-il trouvé Monique sur scène ce soir. Pour Gilles, il n'y a aucun doute. Monique, vraiment... Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Oui, bon, ça va. Jean-Claude demande tout de même à Gilles de se calmer. Il est temps maintenant de retourner en coulisses pour féliciter toute la troupe. Jean-Claude tombe alors nez à nez avec Bertrand Guitry, le metteur en scène à qui il fait part de son enthousiasme. Alors, bravo. Bravo, très bien, très chouette. Hein. Surtout les 5 dernières minutes. Hein. Ah oui. Avant non. Si, sauf au début, là, quand l'ouvreuse s'est étalée dans la travée, alors là, c'était impec. Hein. Ah, oui. Mais après, ça tombe. Hein. Ah oui. Non, j'ai eu très peur. Et puis, je vous dis, les 5 dernières minutes, ça décolle. Dans le brouillard, mais ça décolle. Non, bravo, bravo, très bien. Félicitations. J'ai passé une soirée du tonnerre. Et j'espère ne pas être le seul. À le revoir. Évidemment, Jean-Claude a encore fait un tabac avec ses conneries. Cela dit, le soir même, quand Monique est venue se coucher près de lui,